Chapitre 63e. Trois jours après la rencontre sur le terrain du comte Artof et de Roland de Clayet, M. le duc de Châteaumailly reçut la lettre suivante de Baccarat. « Mon cher duc, c'est une pauvre femme déshonorée, montrée au doigt, frappée par la fatalité la plus inexorable, qui vous écrit pour vous dire adieu, peut-être un adieu éternel. Je ne sais si vous êtes au nombre de ceux qui me croient coupable, mais vous avez du bon, loyal et noble cœur. Et si, comme les autres, vous croyez à une faute imaginaire, au moins me conservez-vous quelque sympathie, en songeant que ma dernière pensée, en quittant Paris, est pour vous. Moi, qui n'ai plus de bonheur sur la terre, moi, dont la vie est condamnée désormais à l'obscurité, au silence, à l'opprobre, moi, dont on dit, dont on dira, c'était une fille perdue, qui n'a pas su se réhabiliter, et qui devait tôt ou tard retourner à la fange, d'où l'amour d'un grand cœur l'avait retirée. Je veux songer à vous, je veux que vous soyez heureux, je veux que vous épousiez Concepcion. Nous partons demain. Le docteur Z, le grand médecin, prétend que la folie de mon malheureux Stanislas n'est pas incurable, que le climat de la Suisse, l'air vif des montagnes et le mouvement continuel du voyage pourraient améliorer son état, calmer sa démence et lui rendre la raison. Oh, si le docteur disait vrai! Je sais bien que mon Stanislas bien-aimé est à jamais perdu pour moi, que s'il revient à la raison, ce sera pour me chasser et me maudire. Mais que m'importe? Il est jeune, l'avenir lui reste, et peut-être sa plaie se cicatrisera-t-elle un jour. En attendant, mon ami, oh, laissez-moi croire et espérer que vous me permettez encore ce nom. En attendant, je ne veux point quitter Paris sans m'occuper de vous. Je veux vous dire ce que je viens de faire et mes espérances. J'ai d'abord reçu ce matin quelques lignes de votre parent, le vieux colonel de Hulan. Je vous les transcris. Ma chère comtesse, votre message m'arrive avec votre lettre, celle de mon parent, le jeune duc. J'envoie au dessein un courrier portant ma réponse, avec ordre de la jeter à la poste. La poste, grâce au chemin de fer allemand, va plus vite que les courriers, mais elle est moins sûre. Une lettre s'égare, en n'égare point une estafette. Je vous annonce donc l'arrivée de votre courrier. Il est exténué et a besoin de 3 ou 4 jours de repos. Je le mettrai à cheval à la fin de la semaine, et vous le renverrez porteur d'une lettre et des papiers auxquels vous attachez une si grande importance. Je fais mes amitiés au comte et demeure à vos pieds, chevalier de Châteaumailly. Voilà, mon cher duc, continuait Baccarat, la bonne nouvelle que je veux vous donner. Dans 4 ou 5 jours, le courrier arrivera chez vous, et vous aurez ces 2 pièces qui doivent vous faire l'époux de Concepcion. De mon côté, j'écris au duc de Salandrera, et je lui raconte cette histoire en lui renouvelant pour vous ma demande. Le duc est en Espagne. Le bruit de mon malheur n'a pu encore arriver jusqu'à lui, et j'ai le courage d'antidater ma lettre. J'écris comme une femme heureuse. Bien certainement, ma lettre va faire accourir le duc à Paris, et à partir de ce moment, tout dépend de vous. Adieu, mon ami, plaignez-moi, et ne repoussez point les vœux que j'ose faire pour vous, comtesse Artof. Pauvre femme, continua le duc en terminant la lecture de cette lettre. Je ne sais, mais quelque chose me dit qu'elle n'est point coupable, et je ne la laisserai jamais outragée devant moi. Le duc reçut la lettre le soir, au moment où il sortait, et il la plaça dans la cheminée de son cabinet de toilette, derrière la pendule. Zampa, qui brossait alors le par-dessus de son maître, n'eut garde de la perdre de vue. La lettre avait été apportée par un domestique à la livrée du comte Artof. C'en était assez pour que Zampa daignât lui accorder quelque attention. Monsieur de Châteaumailly parti, Zampa s'assit sans façon dans son fauteuil, posa ses pieds sur les chenets, puisa dans la boîte à cigares de son maître, ayant allumé un trabucco, il prit connaissance de la lettre. « Voyons, se dit-il après l'avoir lue, il serait peut-être convenable de réfléchir un peu. Depuis que je suis au service de monsieur de Châteaumailly, j'ai pu apprécier le caractère et la libéralité de mon nouveau maître. Le duc est très riche, très grand seigneur, et s'il savait ce que je vaux, ce que valent mes secrets, peut-être payerait-il beaucoup mieux que cet inconnu que je sers. Il est vrai que celui-ci a ma vie dans ses mains, ce qui est une assez jolie considération, mais il est vrai aussi que M. le duc est assez bien situé pour obtenir la grâce d'un pauvre diable tel que moi. Autre considération. » Et Zampa continua à réfléchir et ajouta ensuite à mi-voix, « Résumons la question. Il y a un homme, fort riche sans doute, parfaitement canaille si on analyse ses procédés, qui veut épouser mademoiselle de Salandrera. Cet homme tient ma vie dans ses mains. Il sait mon passé et peut m'envoyer à l'échafaud, alors que moi, Zampa, je ne sais pas même son nom et n'ai jamais vu que son intermédiaire. Or, cet homme, que je sers aveuglément, m'a promis l'intendance des biens de la noble famille de Salandrera. Les honoraires sont, ma foi, très convenables. Cependant, si, lorsque monsieur le duc rentrera, je lui poserai ainsi la question, donneriez-vous bien 1 million pour épouser mademoiselle de Salandrera? Qui sait s'il ne me prendrait pas au mot? Et Zampa, à ce mot de 1 million qu'il avait prononcé lui-même, devint tout rêveur. Mais, poursuivit-il, si monsieur de Châteaumailly payait mes révélations à ce prix fabuleux, à quoi cela lui servirait-il? Je ne connais pas celui que je sers et ne suis qu'un instrument dans ses mains. Il pourrait bien arriver alors que l'instrument fut remplacé, que le bras mystérieux qui a frappé Don José frappa monsieur de Châteaumailly, et que je fusse, moi, assassiné au coin d'une rue. Zampa, mon ami, acheva le valet, vous êtes un sot d'avoir songé un seul instant à faire le contraire de ce que vous faites. Le Portugais prit une copie de la lettre et la mit dans sa poche. Une heure après, cette copie se trouvait dans les mains de Rocambole qui, en ce moment, relisait une lettre de mademoiselle Concepcion. Cette lettre était ainsi conçue. « Mon ami, je suis ce billet à 3 jours de distance. Dans 3 jours, mon père, ma mère et moi, nous aurons quitté Salandrera pour revenir à Paris. Mon père le veut. C'est-à-dire que cet homme, un moment foudroyé, anéanti par la mort de Don José, vient de se redresser, de retrouver son énergie et de refouler sa morne douleur au plus profond de son cœur. Pourquoi ? Le récit de notre conversation d'hier soir va vous l'apprendre. Nous venons de quitter cette austère salle à manger qui ressemble à un lieu funèbre pour aller nous asseoir dans la salle d'armes, c'est-à-dire le salon. Durant le souper, mon père avait été silencieux comme d'ordinaire, mais tout à coup il releva la tête. « Concepcion, me dit-il, vous avez 20 ans. Vous êtes libre maintenant de votre personne et de votre main. » Je ne pus m'empêcher de tressaillir et je regardais mon père avec inquiétude. « Concepcion, poursuivit-il, Don José est mort. Don Pedro est mort. Il n'y a non plus en ce monde une nécessité qui domine votre volonté. Vous pourrez vous choisir un époux. Vous êtes une Salandrera et j'ai foi en vous. Je demeure convaincu que cet époux sera digne de vous et de la fortune que vous lui apporterez. » J'étais si émue, si tremblante, que je n'ai osé répondre un mot. Mon père a ajouté avec un soupir « Ah, c'est un grand malheur que nous ayons refusé le duc de Châteaumailly. C'est un beau nom, une grande fortune, une noble alliance. » Ce nom m'a fait pâlir. Mon père a remarqué mon trouble et l'attribué à une toute autre cause. « Pauvre enfant, a-t-il tout bas ma mère, elle aimait Don José. » « Non, lui a répondu ma mère, c'est Don Pedro qu'elle aimait. » « Ah, mon ami, je ne sais si ma mère disait vrai, mais ce que je sais bien, c'est que depuis un mois, tout à l'heure, mes yeux se tournent sans cesse vers cet horizon du nord qui me cache Paris. Oh, Paris, la terre où mon cœur a battu, frissonné, tremblé, espéré, Paris. Oh, qu'ils vont être longs, ces 4 jours de voyage qui me séparent de lui. Paris, n'est-ce pas vous ? Ainsi nous partons, ainsi l'heure est proche où je vous reverrai. « Tenez, mon ami, pour la première fois peut-être, depuis hier, j'ai sérieusement espéré. Non, il est impossible que le ciel ou le destin ou la fatalité, donnez le nom que vous voudrez à cette puissance occulte et redoutable, soit venu d'abord à notre aide pour nous abandonner ensuite. Depuis hier, il me passe en l'esprit de bizarres pressentiments, des pressentiments heureux. Il me semble que 3 ou 4 mois se sont écoulés. Que j'ai perdu mon nom de Salandrera pour en prendre un autre. Je suis toujours fille de duc, mais je suis devenue marquise. La nuit dernière, j'ai fait un beau rêve. J'étais en chaise de poste, sur une grande route. Vous étiez près de moi, ma main dans votre main. Où allons-nous ? Demandai-je, et vous me répondiez. Nous allons vivre 1 an en Italie, la terre des lunes de miel. Ah, mon ami, si vous saviez quelles espérances folles, quelles étranges idées me viennent depuis que mon père m'a dit hier que j'étais libre de ma main. C'est aujourd'hui le 11 du mois. C'est le 14 au matin que nous nous mettons en route. Le 18, nous serons à Paris. Je vous écris ces quelques lignes à 2 heures du matin. Tout dort à Salandrera. Mon nègre va sortir sans bruit du château, monter à cheval et courir à Corta. Corta est une misérable bourgade où se trouve le bureau de poste. Ce bureau est tenu par un pauvre diable de soldat amputé qui sait à peine lire. Il ne fera pas la moindre attention à la suscription de ma lettre. Il ne lira que les mots France et Paris. Votre Conception. P.S. Le 18 au soir, 11h, boulevard des Invalides, vous savez. C'était cette lettre que le faux marquis de Chambry, affublé de sa perruque blonde et de sa polonaise, lisait lorsque maître Zampa arriva avec la copie de celle que Baccarat avait écrite à monsieur de Château-Mailly. Rocambole eut un éblouissement en prenant connaissance de la copie que lui remettait Zampa. « Ah, diable » pensa-t-il, « Sir William, c'est un niais. » Il a cru écraser Baccarat et la mettre hors d'état de nous nuire, et voici que cette pauvre comtesse Artoff n'a point voulu quitter Paris sans faire quelque chose pour son cher protégé, le jeune duc. Or, ce quelque chose, c'est tout simplement une lettre adressée à M. de Salandrera, une lettre qui lui apprend que M. de Château-Mailly est de sa race, qu'il attend des papiers, etc. C'est-à-dire que si le duc reçoit cette lettre, je suis un homme coulé. Tiens, tiens, dit Zampa, à qui le trouble et l'agitation de l'homme à la polonaise n'avaient pu échapper. Il me semble que cette lettre, reprit brusquement Rocambole, va nous donner quelques soucis, mais du reste, ce ne sont point tes affaires, mon maître, et tu peux retourner chez le duc. Dois-je revenir ? Ce soir, à 20h, répondit Rocambole, dont une inspiration traversa le cerveau. Zampa s'en alla. Demeuré seul, le faux marquis changea rapidement de costume et se disposa à aller consulter son oracle ordinaire, c'est-à-dire Sir Williams. Dans la journée, Rocambole prenait 1000 précautions quand il attendait Zampa. La maison de la rue de Suresnes avait 2 portes, 2 escaliers. Un escalier de maître, un escalier de service. Le faux marquis laissait sa voiture, coupée au phaéton, à l'entrée de la rue, au coin de celle de la Madeleine, et il venait à pied jusqu'à la porte opposée à celle que connaissait Zampa. Tandis que celui-ci, pour entrer ou sortir, montait l'escalier de maître, Rocambole prenait toujours l'escalier de service qu'on atteignait en traversant la cour, et il pénétrait dans le petit entresol par l'escalier de service. Or, ce jour-là, comme à l'ordinaire, il s'en alla à pied jusqu'à la rue de la Madeleine où l'attendait son coupé. Une petite pluie fine, pénétrante, avait rendu le pavé gras et glissant. Comme le coupé atteignait le faubourg Saint-Honoré, un hop très accentué de son cocher arracha Rocambole à un commencement de rêverie et lui fit jeter les yeux dans la rue. Un gros homme qui avait voulu traverser avait été frôlé par le coupé et se rangeait au plus vite en injuriant le cocher. Le regard de Rocambole tomba sur lui, et soudain, le faux marquis tressaillit. Ce gros homme, dont les cheveux grisonnaient, dont le vieil habit montrait la corde, s'abritait de son mieux sous un méchant parapluie de cotonnade. Rocambole le reconnut sur le champ. C'était Venture. Venture, l'ancien intendant de Madame Malassis, l'ancien faux nègre élevé aux fonctions de valet de chambre de Monsieur le marquis Don Inigo de Los Montes, Venture enfin, à qui les largesses du comte Artoff et le prix de sa trahison n'avaient probablement pas réussi, car il paraissait être assez dénué en ce moment. « Quelle dèche !» murmura le faux marquis, en s'apercevant que son ancien complice n'avait même plus sa fameuse chaîne d'or qui s'étalait jadis avec orgueil sur le thorax et le volumineux abdomen du digne intendant. Il s'était rejeté à temps au fond du coupé, et Venture, tout occupé d'injurier le cocher, ne l'avait point aperçu. « Oh !» pensa Rocambole, « je crois qu'il sera bon de renouveler un peu connaissance avec notre ancien ami. » La voiture se dirigea vers la rue Royale. Mais au moment où elle retournait l'angle pour gagner la place de la Concorde, Rocambole fit arrêter net, sauta lestement sur le trottoir, ouvrit un parapluie qui n'abandonnait jamais les coussins de sa voiture et dit au cocher « Touche à l'hôtel !» Le coupé vide continua sa route. Alors Rocambole, qui avait remarqué que maître Venture avait pris le trottoir du faubourg Saint-Honoré, se dirigeant, comme lui, vers la rue Royale, Rocambole, disons-nous, repoussa vivement chemin et vint se placer à l'angle de la rue sur le chemin du gros homme. Ce dernier fumait un de ces cigares malhonnêtes connus sous le nom de Petit Bordeaux, et que les gens économes préconisent tout en se procurant d'affreuses nausées. « Parbleu, » pensa l'audacieux, « si Venture me reconnaît, il a trop de peccadilles sur la conscience pour faire du bruit, et je vais une fois de plus voir si je suis réellement changé. » Et comme Venture arrivait sur lui, Il le salua et lui demanda du feu. Monture tendit son cigare charbonné, regarda le marquis avec beaucoup d'indifférence et, rentré en possession du petit Bordeaux, il passa son chemin. « Un de plus, » pensa Rocambole, « qui n'ira jamais chercher le fils adoptif de la veuve Fipard dans la peau du marquis de Chamery. » Rocambole se mit à suivre de loin Maître Venture. Ce dernier s'en alla par les boulevards jusqu'au faubourg Montmartre, prit cette dernière rue et la suivit jusqu'à la rue Cadet. Là, il prit à droite et se dirigea vers la rue Rochechouart, la remonta et traversa la barrière. Rocambole, cheminant à distance, ne le perdait pas de vue. L'ex-intendant s'arrêta place Belhomme et disparut dans l'allée noire, humide et malpropre d'une maison à deux étages, au volet de laquelle on lisait, sur des écriteaux jaunes, ces mots « Cabinet et chambre garnis au mois et à la nuit ». Au moment où Venture entrait, Rocambole était presque derrière lui et l'entendit une voix de vieille femme qui disait à l'intendant « Voilà votre clé, monsieur Jonatas, mais mon mari a dit qu'on vous la refuserait demain, si dans tous les cas vous ne vous mettiez pas au courant de la huitaine. Vous êtes en retard de 3 jours ». Rocambole entendit un gros juron qui s'échappa de la gorge de Bastaille de Maître Venture et il tourna les talons. Il savait tout ce qu'il avait voulu savoir, c'est-à-dire que Venture demeurait dans cette maison et qu'il s'appelait Jonatas. À la barrière, Rocambole prit une de ses voitures sans station ni remise et qu'on appelle des maraudeuses et il rentra en hâte rue de Verneuil. « Allons consulter Sir Williams, » se dit-il. L'aveugle écouta la lecture des deux lettres, celle de Baccarat à M. de Châteaumailly, celle de Concepcion à Rocambole. Ce dernier lui raconta ensuite la rencontre qu'il avait faite de Venture et l'état de détresse où il paraissait se trouver. Alors l'aveugle, dont les sourcils s'étaient froncés, se dérida tout à coup. Puis il écrivit sur son ardoise « Il faut que nous ayons Venture ». « Pourquoi ?» demanda Rocambole. « Pour lui donner une mission de haute confiance et l'envoyer à l'étranger. Oh oh ! Et pourrait-on savoir où ? En Espagne. » « Parbleu !» exclama Rocambole. « Il n'y a que toi, mon oncle, pour avoir de ces idées-là. Et que fera-t-il là-bas ? Il ira y chercher la lettre de Baccarat à M. de Salandrera. Belle affaire, si le duc l'a reçue. »« Non, » répondit l'aveugle, « le duc ne l'a pas reçue. Elle est partie hier. Et d'après la lecture de Concepcion, le duc a dû quitter Salandrera ce matin, 18 courant, ce qui fait que la lettre et le duc se croiseront en route. »« Je comprends. » murmura Rocambole.